this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. What happened? Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est au micro et au piton. Cette semaine, une émission assez chargée. On va se promener dans les territoires un peu, si vous voulez, du plunderphonic. Qu'est-ce que c'est le plunderphonic? C'est prendre des albums qui sont déjà enregistrés, les remixer à partir des enregistrements originaux. Ça ressemble un peu au sampling, mais je ne sais pas comment vous dire ça. C'est un peu différent en même temps. C'est John Oswald qui a inventé le mot plunderphonics, puis maintenant il y a plein de groupes qui donnent un peu dans le genre. On débute tout de suite avec un artiste de Montréal qui s'appelle Inca Cola. C'est le pseudonyme d'un artiste montréalais, comme je vous disais, qui s'appelle Christo. Je vous fais entendre trois pièces d'un album qui n'est pas encore sorti, qui sortira peut-être pas non plus. Contactez-le donc pour qu'il sorte un album, ça serait vraiment agréable. Donc l'album s'appelle El Golpe. Je vous fais entendre trois pièces. La première, la pièce titre, El Golpe. Ça va être suivi par Fight It Back. Puis ensuite de ça, on écoute Bombs and Candies. C'est Inca Cola à CKRL. Yeah. Pra que ficar aí parado, triste e o mal amado? Corpo sem futuro, jogado, envergonhado. Parece que a vida não foi boa pra você. Parece que a tristeza tomou conta de você. Esquece tudo, mano, quem procura acha. Apaga o passado, passa a borracha. Caia no reggae, de repente shot, trova vaneirão. Desce na dança do samba, rock, rap e baião. Felicidade é voz e batida. Felicidade é vida, eu vou cair em cima. Tipo azeite na água, não mistura. Cabeça dura, deve ser falta de cultura. Vamos embora, não pode parar, não pode cansar. Eu também não posso deixar de falar. Fusão das raças pro bem da massa. Também sou brasileira, quero levantar a taça. Comissão de frente sempre me faz relembrar. Pra esquecer a tristeza, vamos balançar. Balança preta, balança branca. Balança, entra na roda, vem pra minha banca. Santo forte, cheio de critério. Velho, só não tem mistério. Branca, bruxaria de chapéu. Meu corpo é fechado, cavalo de tração. Todos os santos do mundo me dêem proteção. Rezo pra Deus e pros orixás. Olho pipoca na oferenda pra já. Carona com São Jorge eu vou pegar. We'll be right back. gauchada nervosa e ultraman. Voando a mais de 100, tudo de bom, tudo de bem. Vem, vem, vem, conosco, só doido, só louco. Do curumi, meu parceiro, tô em o croco. A forte aliança, 100% confiança. Na humildade, com esperança, devagar a gente avança. Pra frente, inteligente, com paciência. A gangue é só o guerreiro, marcando presença. O tempo é curto. A vida é curta, vê se curta viva. Largue a vida negativa, a gente te incentiva. Vida extensiva, as irmãs e os irmãos. Gostaria de ver vocês todos levantando as mãos. Antenados, ligados e cantando bem alto. Erga para o céu, põe as mãos pra cima. Erga as suas mãos. Gauchada nervosa e ultramei na função. Ergue nós, ergue pra família. Erga, erga. Para o alto e avante. Erga, erga. O microfone mais um atacante. A todo instante. Erga, erga. Hey. Irmãos de sangue. Erga, erga. Pra tudo que for importante. Estudo, trabalho, roupa e comida. Teus véis deram duro pra encher tua barriga. Rima e poesia. Erga para o céu, põe as mãos pra cima. Erga as suas mãos. Gauchada nervosa e ultramei na função. Erga as suas mãos. C'était Inca Kola, trois pièces sur l'album El Golpe. Vous venez tout juste d'entendre Bombs and Candies. C'était précédé par Fight It Back, puis on a débuté avec la pièce titre de l'album qui s'appelle El Golpe. Donc, Inca Kola, alias Christo, qui nous vient de Montréal. On poursuit l'émission Web Musique avec un Français cette fois-ci. Je vous en ai déjà fait passer à l'émission. Je l'adore, il y a toujours des albums assez surprenants. Il s'agit de Shenar Walker, donc un Français comme je vous disais. Je vous fais passer la pièce Aline. C'est disponible sur Free Sample Zone, l'étiquette de Shenar Walker, ou aussi sur WM Recordings, une étiquette vraiment intéressante. Donc pour tout de suite, Shenar Walker avec la pièce Aline. Hoog in de bergen, een hutje gehuurd. Mijn vrouw en de kinderen naar huis teruggestuurd. Ik blijf nog een weekje met niks aan mijn kop. Ik laat alles maar waaien en niets ruim ik op. Alleen, alleen, alleen, alleen met mijn echo, alleen met mijn lot. Of een knol uit de grond. En voor ik ga slapen, rolt dit uit mijn mond. Alleen, alleen met mijn. een echo, alleen met mijn lot. Ik weet, word ik je waanzinnig, of ga ik geloven in God? Alleen, alleen. Met dat gaat op, maar wie is te veel? Het geluid van een massa trekt mij bij de keel. Toch één week alleen zijn, dat is het ook niet. Ik hoor nu al stemmen, ik word paranoïd. Alleen, alleen, alleen met mijn schaduw, ik ga hier kapot. Misschien word ik krankzinnig, of ga ik één ding bedacht, ik wil terug naar de wereld, naar mijn liefste en hou. En als ik weer thuis ben, dan hou ik van jou. Alleen, alleen. Wie alleen blijft is moedig, maar draagt een zwaar lot. Misschien zijn we krankzinnig of samen één pot. C'était Shenar Walker avec la pièce Aline, un heureux mélange de chanteurs d'opéra néerlandais et de disco, toute la musique qui vient des Pays-Bas remixée. Donc Shenar Walker qui vient de la France. On poursuit avec un Canadien qui s'appelle John Oswald, qui a fait un album vraiment controversé qui s'appelle Plunderphonics, qui a donné le terme à un genre de musique qui consiste à prendre de l'échantillonnage, mais souvent du même artiste ou même souvent de la même pièce et de la recomposer. Donc, je vais vous faire passer trois pièces qui sont sur l'album Plunderphonics. Je vous fais passer Paul McCartney, Birth. La suivante s'appelle Public Enemy et Brown. C'est un mash-up, si on veut, entre du Public Enemy et du James Brown. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Puis enfin, je vous fais entendre Metallica Net. C'est une pièce qui est entièrement composée de pièces qui sont sur l'album And Justice for All de Metallica, mais remixée vraiment à sa façon. Donc, pour tout de suite, John Oswald avec la pièce Paul McCartney, Birth. off of my... Tania Beaumont de l'émission Change de disque. Pendant les 11 jours du Festival d'été de Québec, je vous invite à me rejoindre au bar Le Sacrilège entre 16h30 et 18h30 pour l'émission spéciale C'est dans le sac. Entrevue avec les artistes du festival, performances en direct, critiques, calendrier et que dire de mes nombreux collaborateurs. Un rendez-vous unique pour ne rien manquer du Festival d'été de Québec du 3 au 13 juillet. Je vous y attends au Sacrilège 447 rue Saint-Jean et sur les ondes de CKRL 89.1 dès 16h30. Du 3 au 13 juillet, le Festival d'été de Québec vous invite sur la rue Saint-Jean pour d'étonnantes rencontres avec les amusants personnages des arts de la rue Loto-Québec. Le 12 juillet à 21h30, à Place Métro, c'est un rendez-vous avec Shibuza Shirazu Orchestra. Un spectacle total, ébouriffant et déjanté qui mélange tous les styles. Une présentation de Loto-Québec. Informations sur infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Drive. Pays formé que d'une poignée d'îles, il a pourtant produit les plus grands musiciens de notre époque, l'Angleterre. Pour le meilleur du rock britannique, critique d'albums, de spectacles, nouvelles et plus, écoutez Mezzanine avec Michel Dorlet tous les jeudis de 18h à 20h. Mezzanine, l'émission des découvertes. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est au micro. Et non, avant la pause, c'était pas des disques brisés, c'était Metallica, un collage plutôt, par John Oswald sur l'album Plunderphonics. Avant ça, sur le même album, c'était un mash-up entre Public Enemy et James Brown, puis c'était précédé par Paul McCartney. Donc, des pièces assez sautées, merci, l'album Plunderphonics de John Oswald. On poursuit l'émission Web Musique avec une étiquette qui vient du Portugal qui s'appelle le Phono Tactics. On va passer la prochaine demi-heure avec des artistes qui sont sur cette étiquette. On débute tout de suite avec Motown Junkie, la pièce Bollywood Herbal. Ça va être suivi par Check One, la pièce By Sampler. C'était Check One, la pièce By Sampler. C'était précédé par Motown Junkie, la pièce Bollywood Herbal. Deux pièces qui sont tirées de la compilation Space Stuff, une compilation qui nous vient de l'étiquette Phono Tactics, une étiquette du Portugal. Je vous rappelle que l'émission Web Musique est disponible en balado-diffusion. Donc, une belle journée comme ce soir, c'est pas une journée pour écouter la radio à l'intérieur. Donc, je vous recommande de venir sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous pouvez télécharger l'émission en balado-diffusion. Puis, vous avez aussi des liens vers les artistes parce que la plupart du temps, je vous fais passer des albums qui ne sont pas disponibles en magasin. C'est seulement possible de les acheter sur les sites des netlabels et sur les sites des artistes directement. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur l'étiquette Phono Tactics. Je vous fais entendre Drama Jaqua, la pièce Idaa Pindala. Puis ça va être suivi par Repo Man, la pièce Copper's Knock. Pour tout de suite, Drama Jaqua. We'll be right back. history, but his work is already a legend. He brought the blues to Britain. He brought Sunderland to America. He brought funk and rock together. His band, single-handedly, gave birth to the nostalgia wave of the 70s. Now he is looking for the new sound of the spheres. To inaugurate his own senator, his own Disneyland, the paradise, the ultimate fun palace. This is the story of that search, of that sound, of the man who made it. The girl who sang it, and the monster who stole it. C'était Repo Man, la pièce Copper's Knock. C'était précédé par Drama Jaqua, la pièce Ida à Pindala. Deux artistes qui sont sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette qui nous vient du Portugal. Je vais continuer l'émission Web Music avec trois pièces. La première vient de Burgess, la pièce What's Up Lauren. C'est suivi par Check One. Check One, je vous en ai fait passer en début du bloc. C'est la pièce Sounds of Hell. Puis ensuite de ça, un peu de dub, on va entendre Mad Mon de Murloc avec Dubmatics, la pièce Panic. Pour tout de suite, Burgess avec What's Up Lauren. Thank you. no. Thank you.